بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن تتبع ملة إبراهيم. وإبراهيم كان حنيفا، أي كان مائلا عن الشرك، كان إمام الموحدين صلوات ربي وسلامه عليهم، وما كان من المشركين. وهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، وأمته تبع له في ذلك الأمر. أن الله عز وجل on se versait avec lesquels on commence cette assise, il est dit: nous t'avons révélé à Muhammad le fait de suivre la voie de Ibrahim qui était hanif. Le hanif, c'est le monothéiste, c'est celui qui est loin de l'associationnisme. Ibrahim était l'imam des monothéistes. Salawatu Rabbi salamu alayhi. Il ne faisait pas partie des associateurs. Donc cet ordre donné au messager alayhi salam, il est à toute la communauté. La communauté musulmane, la communauté de Muhammad alayhi salam doit suivre la voie sur laquelle était Ibrahim alayhi salatu wassalam. ربنا عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى يبين أنه ما أرسل من رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام إلا قال لهذا الرسول أنه لا إله إلا الله، لا معبود في الدنيا بحق غير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون هناك معبود من دون الله إلا أن يعبد الإنسان الله وشيئا آخر معه. ويبين كذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي في خلال هذه الآيات يبين لنا ربنا عز وجل أن دعوة الأنبياء دعوة التوحيد، أن كل الأنبياء بدأوا أمتهم بالتوحيد. Allah Azza wa Jal, et dans les versets cités ici, nous avons chaque prophète que nous avons envoyé avant toi, nous lui avons dit, nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-moi, c'est-à-dire adorez Allah. Dans l'autre verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Le messager a dit à sa communauté: adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets nous prouvent que la da'wa de tous les prophètes alayhim salatu wassalam, c'est une da'wa vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tous, ridwanu salawatu rabbi wa salam, ont appelé leur communauté à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et à accomplir la religion sincèrement pour Allah. Kullul anbiya da'u aqwamahum ila an yukhlisu d-dina lillah. Ila an yukhlisu d-dina lillah. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أمهاتنا شتى وديننا واحد. أمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة لكن ديننا واحد. ما هو هذا الدين الوحيد؟ هو توحيد الله، هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فما هو حرام في هذه الشريعة حلال في هذه الشريعة، وما كان حراما في هذه الشريعة أصبح حلالا في هذه الشريعة، وما كان غير حلال في شريعة النسخ وأصبح حلالا في الشريعة الأخرى، لكن الدين وأصل الدين واحد، ألا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم dans le hadith authentique il a dit: nous autres les messagers, nos mères sont différentes, mais notre religion est identique. Ici, nos mères sont différentes, c'est-à-dire nos législations sont différentes. Et notre religion est unique, ça veut dire que tous, notre religion c'est le monothéisme. Que le culte doit être réservé exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers ont été envoyés avec ça. Et les législations sont différentes. Ce qui est licite dans cette religion ne l'est plus dans l'autre, il a été abrogé. ce qui n'a pas été licite dans l'autre a été autorisé dans notre religion, et ainsi de suite. Mais la religion, la base de la religion et la fondation principale de la religion, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monothéisme. ربنا أوحى ها عز وجل في كتابه أن الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام كانت دعوتهم ماذا؟ دعوتهم إلى التوحيد. دعوتهم إلى التوحيد لماذا؟ لأنه حق الله على العبيد، وحق الله على العبيد يجب أن يحققه، ولهذا خلقوا. الله سبحانه وتعالى dans ce verset dit que les prophètes avant Muhammad عليه الصلاة والسلام ils ont commencé, nous montrent qu'ils ont commencé leur da'wah avec le fait d'appeler vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous les serviteurs doivent accomplir ce droit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la chose pour laquelle ils ont été créés, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا يبين لك ماذا؟ يبين لك أهمية هذا الأصل العظيم، لا وهو إفراد الله بالعبادة، وأن كل دعوة وكل مصلح قام ليصلح في الأمة شيئا ولا تقوم دعوته على التوحيد، وأي جماعة قامت في الأمة لتصلحها ولا تقوم دعوتها على التوحيد فهي فاشلة وإلى الفشل، ما يمكن أن تنجح ولا يمكن أن تؤتي بالإصلاح، لأنها أخطأت الطريق، لأنها لم تأخذ طريق الأنبياء. فربنا عز وجل بعد أن ذكر ما يزيد على 10 أنبياء في الآية قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي طريقته متبعة. الله عز وجل cela te montre l'importance de ce fondement principal qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout individu ou tout un chacun qui prétend réformer la communauté ou tout groupe qui veut la réforme de la communauté, s'il ne base pas sa réforme, sa da'wa sur le monothéisme, il est perdant. Il va vers la perte. Il n'arrivera pas. Il ne fera rien du tout. Parce que la base principale, il ne s'est pas appuyé dessus, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas réussir dans ces cas-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité plus de 10 prophètes, ils arrivent à 15 dans ce verset, il les a cités, et à la fin il a dit au messager al-Sun, ceux-là, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, suivent leur chemin. Tu es obligé de suivre le chemin des prophètes alayhi salam, dont le fait d'appeler au monothéisme, parce que c'est la base des bases. Et tout acte, et toute da'wa, toute réforme qui n'est pas basée sur le monothéisme n'arrive pas. Il ne peut pas y arriver, il ne peut pas arriver au but, parce qu'il s'est trompé de chemin. وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ يُذَبَّحُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَأَنْتَ تُكَلِّمُونَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَنَحْنُ نَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et peut-être que quelqu'un se dira dans sa tête, les musulmans se font tuer à travers la planète, à l'est et à l'ouest. Toi, tu nous parles du monothéisme alors que nous disons la ilaha illallah. أقول لك أخي الإسلام كم من قائل لا إله إلا الله وهو يناقض لا إله إلا الله لأنه لا يفهم معنى لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله. يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر. يقول لا إله إلا الله ويسجد للقبر ويطلب من الميت. هذا فاهم لا إله إلا الله؟ هذا حقق التوحيد الذي كان عليه الأنبياء؟ ها؟ إيش تدي بخيرون الله عز وجل؟ Combien de gens disent la ilaha illallah, ils annulent ce qu'ils disent. Combien de gens font tawaf autour des tombes? Combien de gens demandent aux morts? Combien de gens sacrifient pour les morts? Est-ce que Hadou, ils ont compris la ilaha illallah? Beaucoup parmi nous disent la ilaha illallah. Ils ne l'ont pas comprise. Ils l'annulent. Ils la disent avec leur bouche, mais leurs actes l'annulent. كم من الناس تقول لا إله إلا الله بألسنتها وتناقضها بأفعالها؟ فهذا أصل الأصول. نعم، يتمزق قلب الإنسان عندما يسمع أن إخوانه المسلمون يشردون في مشارق الأرض ومغاربها. ها؟ لكن هل يجوز لنا أن نتباكى ونبكي ولا نهتم بالأصل الذي من أجله وجدنا والذي به يتم نصرنا؟ Certes, frère en Allah, Azzawajal, le cœur du musulman se déchire quand il entend les massacres que subissent les musulmans à travers la planète. Mais est-ce que ça doit faire de nous juste des gens qui pleurnichent sur leur sort et qui ne s'occupent pas de la fondation principale qui est le fait de réserver le plus exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler vers cette base principale? C'est cette base qui va faire, qui va donner le triomphe à la communauté. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansuru din Allah. هاي بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا يكون؟ يكون نصر الله. فنصر هذه الأمة لا يأتي بالبكاء ولا بالتباكي، إنما نصر الله لهذه الأمة يأتي بنصر الدين. ومن الله عز وجل la situation est claire, la condition pour avoir le triomphe dans cette communauté, il faut accomplir la religion d'Allah سبحانه وتعالى. Le verset est clair, si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher. Donc pour amener le triomphe à cette communauté, je ne sais pas, en restant pleurniché sur le sort de nos frères en Palestine ou en Birmanie ou autre. Là, pour ramener le triomphe, il faut accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher. Triompher la religion d'Allah, accomplir la religion sincèrement pour Allah dans un suivi aveugle du messager alayhi salatu wassalam. مرض هذه الأمة في عدم تحقيق هذا الأصل الذي خلقت من أجله البشرية الجن والإنس. La maladie de la communauté maintenant, il est dans là, dans le fait que beaucoup n'accomplissent pas ce fondement pour lequel les génies et les humains ont été créés après l'islam. مرض هذه الأمة في عدم إخلاص العبادة لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة وعدم متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام والخروج عن نهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هنا مكمن المرض. La maladie de la communauté, frère en Allah, Azzawajal, dit dans le fait que beaucoup sont dans l'associationnisme, beaucoup n'accomplissent pas la religion sincèrement pour Allah. Beaucoup sont en divergence avec la sunna du prophète. Beaucoup sont en divergence avec la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons de Allah alayhim. Ici notre maladie. ولا بد أن نفهم هذا وأن نقوم بمقتضاه. Il est obligatoire pour nous de comprendre ceci et de le mettre en application. فالله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله أن يدعو قومه إلى التوحيد. لفت ودلا لفت لفت ودلا فيانا أمن تون تبلانشي فيانا Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans le Coran, il a annoncé à son messager alayhi salam que tous les prophètes ont appelé leur communauté vers le monothéisme et accomplir le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabla an ya'mura Allah subhanahu wa ta'ala bi da'wati an-nas ila at-tawhid amarahu 'azza wa jalla an yuhaqqiqa at-tawhid qabla أن يأمر الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد، أمره بأن يحققه هو لعبادة الله أولا وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فقال له عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بأن يعلم من هو، أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر للأمة كلها أن نعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. ومشكلتنا اليوم في عدم فهم هذا المعنى الفهم الصحيح. أن الله عز وجل يبوك الله سبحانه وتعالى أنه ضنه مستجع عليه الصلاة والسلام de donner l'ordre d'appeler les gens vers le monothéisme, il lui a ordonné d'accomplir le monothéisme. Il est dit dans le verset de sourate Muhammad, et sache, ya Muhammad, sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah Et cet ordre est à toute la communauté. Et le grand problème de la communauté maintenant, c'est que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire « La ilaha illallah » ni digne d'être adoré qu'Allah. Hein? Enfin, parce que si on le comprend réellement, on va s'en acquitter comme il se doit. لأنه إذا فهمنا الفهم الصحيح للا إله إلا الله سنقوم بها ولكن الكثير منا لا يفهم من لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مميت إلا الله وبعدها يذبح للقبر ويمشي عند السحارة وعند الشوافات وعند صحاب اللي تيكتبوا الزلايف وعند كذا ما عنده مشكل يذبح للعتبة ديال الدار يذبح إلى إلى إلى صوب البير يذبح للبير إلى إلى إلى هذا فهمشنا يا لا إله إلا الله هذا ما فهمشنا يا لا إله إلا الله أبدا beaucoup nous comprennent de la ilaha illallah que nous donnons la subsistance qu'Allah nous donnons la vie qu'Allah nous fait mourir qu'Allah et après ça et à côté de ça une fois qu'il a compris ça qu'est-ce qu'il fait quand il creuse un puits il égorge pour le puits. Quand il achète une maison, il gorge pour le gène de la maison. Hein? Il va voir les sourciers, il va voir les devins, il va voir les voyantes, les voyants, et ainsi de suite. Hada, il a compris ce que c'est que la ilaha illallah. Abadan. Abadan. وهذا الله سبحانه وتعالى قبل أن يرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون ماذا قال له؟ يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قبل أن يرسله إلى فرعون لكي يدعوه إلى التوحيد قال له استمع لما يوحى اسمع عندك شلي بيت حالك أنا الله يجب أن تعبدني الله يقول له أنا الله فيجب أن تفردني بالعبادة وأن تقيم الصلاة لذكري ها؟ قبل أن يبعث إلى فرعون إيه الله سبحانه وتعالى avant d'envoyer Moussa regarde avant d'envoyer Moussa عليه الصلاة والسلام il lui a enseigné d'abord à lui qu'il doit il lui a donné l'ordre d'accomplir le monothéisme. Il est dans le verset « Oh Moussa, je suis ton souverain, enlève tes chaussures, tu es dans le fleuve Bini, hein? Je t'ai choisi, écoute ce qui va t'être révélé. Je suis Allah, le seul digne d'être adoré, adore-moi et accomplis la prière pour mon évocation. Hein? » Il lui a ordonné d'abord d'accomplir la religion sincèrement pour lui. Et c'est un messager. Moussa alayhi salatu wa sallam, il a cette particularité. Allah, il lui a parlé. Hein? La même chose, akhal islam. La même chose pour nous. Yada, ikhwat al-islam, yajibu. Alayna, wujuban ayniyan, ala kulli wahidin minna, an na'lama. نحن المسلمين عامة والدعاة خاصة أنه يجب علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة وأن نتعلم التوحيد وأن نتعلم كيف نحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى قبل أن نعلمها للناس لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا قال لك بغيت تصدق بمئة أورو ما عندوش مالك ما عندكش ما يمكن ليش كيفاش انت ما عرفتيش شنو هو التوحيد ما عرفتي الله سبحانه وتعالى ما عرفتي العقيده الصحيحه وبغيتي تعلمها الناس ابدا لانه ما ضل الناس اليوم الا هؤلاء الدعاة وهؤلاء الذين دعوا الناس ويدعون الناس على غير علم فاضلوا الناس ضلوهم واضلوا الناس كذلك لان الله عز وجل سي بور سا كي لي دو نوتر دوفوار دو سافوار. Nous autres, en tant que commun des musulmans et les prêcheurs en particulier, qu'il est obligatoire pour nous individuellement d'apprendre les croyances authentiques et ce que c'est que le monothéisme et de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit pour lui réserver le culte comme il se doit avant de l'apprendre aux autres. Car celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Comment tu prétends vouloir donner au monde 500 euros, 100 euros, tu ne les as pas? C'est impensable. La même chose, comment tu peux enseigner quelque chose que tu ne connais pas? Hein? Il est obligatoire. Et qu'est-ce qui a fait l'égarement des gens? de beaucoup de gens. Ce sont ces personnes qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas, qui n'ont pas la science de ce qu'ils disent et qui disent n'importe quoi dans la religion de l'Allah, ce qui fait que les gens ont confiance en eux, ils se perdent. Anta tara bi ayunik. كثير منهم لا يهتموا بالتوحيد ما هي إلا الصحافة والسياسة وما سمعه في الخسيرة وما سمعه في إمبسل وما قرأه في الفيجارو وما قرأه في لوموند وهكذا. Et toi, tu vois devant toi ce qui se passe, la réalité. Beaucoup ne s'occupent pas du monothéisme. Ce ne sont que des trucs qu'il a attrapés dans les journaux, soit sur les chaînes de télé qui soient arabes ou non arabes, soit les revues. Et il vient, il crache ça aux gens. Comme si les gens, ils n'ont pas de télé, ils ne savent pas lire les journaux, etc. دعوة الناس يجب وتربية الناس يجب أن تكون على هذا الأصل العظيم على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد. Les gens maintenant, pour les éduquer, il faut les éduquer sur ce fondement principal qui est le monothéisme, qui est les croyances authentiques en Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance d'Allah. والعلماء يقولون اليوم الناس بحاجة إلى تصحيح معتقداتهم في الله وتصحيح عبادتهم لأنه عندهم مفاهيم خاطئة عن الله وعن رسول الله وعندهم أخطاء كثيرة في صلواتهم في وضوئهم في زكاتهم في صومهم في حجهم وقيس أنت على هذا. Et les hommes de science, les dignes de la communauté maintenant disent que les gens maintenant, ils ont besoin d'authentifier leurs croyances. Ils ont beaucoup de données fausses sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur les croyances qu'ils doivent avoir. Et ils ont beaucoup d'erreurs dans leurs prières, dans leur façon de faire l'odo, dans leur façon de jeûner, dans leur zakat et ainsi de suite. وَرَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عندما بعثه الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ به بدأ بالدعوة إلى التوحيد. ربنا أمره فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمره بأن يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أمره بالعمل، الاستغفار من العمل. فكان الأمر بالتوحيد أولا وبمعرفة الله أولا قبل أن يكون الأمر بالعمل. لابد أن نتعلم العقيدة الصحيحة، لابد أن نتعلم التوحيد وكيف نحقق التوحيد قبل أن ندعو الناس. وأن الله عز وجل ينوث ميساجي عليه الصلاة والسلام كنت الله سبحانه وتعالى إلا أنفوي دابور إلي أدوني لورد دو كونتر كي يا الله كي لو سول دين دي تخادوري إيساج كي ني دين دي تخادوري كالله ربونتوا دو تي بيشي إلا كلاسي دابور سيت كونيسونس لو فيت دو كونتر الله سبحانه وتعالى عاد après lui ordonner les œuvres. Les œuvres sont arrivées après la connaissance d'Allah, après la connaissance comme quoi il est le seul digne d'être adoré. C'est pour ça que nous devons nous préoccuper de nos croyances, de les identifier et du monothéisme. Comment accomplir le monothéisme pour Allah? Comment les prophètes et comment notre messager alayhi salam a accompli le monothéisme pour Allah? هذا لهذا واجبنا أن نعلم كيف كان توحيد المرسلين، كيف كان توحيد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل به أخ الإسلام ونحققه في حياتنا. وبعد أن كلف الله سبحانه وتعالى رسوله بالعقيدة وبعبادة الله وحده أمره أن يقوم بالدعوة. يا أيها المذتر قم فأنذر وربك فكبر وتيابك فطهر والرجز فامنن ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بعد أن أمره بالعقيدة وبالتوحيد أمره أن يدعو إلى التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a ordonné au messager alayhi salam La croyance authentique et le monothéisme et le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné de l'enseigner aux gens et d'appeler les gens vers le monothéisme et vers les croyances authentiques. Ô toi qui se tes couvertures, comme lève-toi, va avertir, et ton souverain glorifie, et tes vêtements purifie, et éloigne-toi des statues, tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. فقام صلى الله عليه وسلم في الناس يدعوهم إلى عقيدة التوحيد يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله خيره. وهنا لفتة عظيمة يلفتنا إليها أهل العلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يتقنون اللغة العربية، فكان إذا ظهر فيهم الشاعر كان عندهم أمر عظيم، فهم يفهمون اللغة العربية. فعندما قال لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، لماذا قالوا لا؟ لأنهم يفهمون معنى النفي والإثبات الذي في لا إله إلا الله، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله نفوا كل ما يعبد من دون الله وأثبتوا العبادة وحدها لله سبحانه وتعالى. فنفوا العبادة كلها، عن اللات، عن العزة، عن منات، عن الملائكة، عن الجن، عن كل ما يعبد من دون الله، فرفضوا أن يقولها. لكن في العصور الأخيرة الآن الناس تقول لا إله إلا الله ولا تفهموا معناها، ومشرك قريش كانوا يعرفون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعرفون كل هذا، لكن يعلمون أن لا إله إلا الله ليس معناها الخالق الرازق. إيه نعم، الله خالق الرازق المدبر ملك لكل شيء، لكن العرب كانت تفهم معنى النفي والإثبات، نفي العبادة عما دون الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، لهذا لم يقولها وقاوموه. وكل الأنبياء المعركة التي كانت بينهم وبين رسلهم ليست في توحيد الربوبية، ليست في الاعتراف بأن الله هو الرازق والخالق والملك لكل شيء أبدا، إنما كانت في توحيد العبادة. فقال له، ماذا قال له قريش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. نفس الكلام يتردد اليوم، هذا أبغانا نعبدوا إله واحد. فبدأ شيء تيفصي شيء باش يصبروا على الآلهة ديالتهم. واش قالوا؟ الشبهة بشرطه، هذا الشيء كما سمعنا به في والدينا وفي جدودنا وفي ذلك اللي سبقونا. نفس الشبهة اليوم، هذا نفس الاعتراض اليوم، هذا دين جديد، منين جبتوا هذا الدين؟ عندما يدعى إلى التوحيد ويدعى إلى تمسك بالسنة فتسمع الناس نفسها أش هذا الدين جديد؟ منين جبتوا هذا؟ والدينا ما كانوش على هذا، جدودنا ما كانوش على هذا، الأولين ما كانوش على هذا. نفس أخ الإسلام. وأن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ينفك إلى أغضوني الصوم الصجع عليه الصلاة والسلام دكمبليغ المونوتيسم إذا غزغ في الكلت كسيزمون بور الله سبحانه وتعالى إلا أغضوني الفيد دالي الشرشي لزوتر دغضوني وزوتر. إل سيلوفي عليه الصلاة والسلام إلا أبلي لجون vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah, vous allez réussir ainsi. Les Arabes quand un poète n'y apparaît un poète chez eux, c'est une fête à l'apparition d'un poète. Ils comprenaient, ils étaient excellents, ils étaient éloquents au niveau de la langue arabe. Donc la négation et la confirmation et l'affirmation qu'il y a dans la ilaha illallah, ils la savaient. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dite. Parce qu'ils savaient, ils se sont opposés à cette phrase. Ni digne d'être adoré qu'Allah. Parce qu'ils savaient que s'ils la disaient, ça veut dire qu'ils doivent dégager toutes les adorations de l'Ad, de l'Uzza, de Manat, de tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns, les anges et ainsi de suite. Et qu'ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la différence entre eux et les derniers parmi les associateurs dans cette communauté. C'est que les derniers ne comprennent pas ce qu'avait compris Abu Jahl dans la ilaha illallah. Ils disent la ilaha illallah, en même temps ils égorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ont refusé de la dire. Parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire. Que toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et non, il n'a plus à avoir lieu. N'a plus à avoir lieu. C'est fini. Et donc ils se sont opposés. Ils se sont opposés. Et ils savaient. Dans leur dua, etc., quand les messagers s'adressaient à eux, le messager s'adressait à eux, ils savaient, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé comme quoi, ils savaient que la souveraineté et la seigneurie étaient Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il leur disait, hein, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, etc., ils disaient, c'est Allah. Ils savaient que c'est Allah le seul qui donnait la subsistance. Ils savaient que c'est Allah qui faisait mourir et qui, et ainsi de suite. Hein? Mais le problème qu'il y a eu entre les communautés et les prophètes, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau du fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, pour s'opposer au prophète et à son message, et la da'wah du monothéisme, est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité? Ceci est une situation extraordinaire, étonnante. Et les uns et les autres se conseillent à tuer le monde de maintenir sur leur religion, de patienter sur leur, devant leur divinité et dans l'adoration de leur divinité. Et il disait, nous n'avons pas entendu ça dans les générations anciennes. Ceci est nouveau. C'est la même ambiguïté avec laquelle maintenant, quand il y a une da'wah vers la vérité, vers la voie authentique, c'est quoi cette nouvelle religion? C'est quoi cette nouvelle religion? C'est quoi ces nouvelles pratiques? Pourtant, ils font partie de la sunna des prophètes, alayhi salam. فَمَنْهَجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَدْعُ النَّاسَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَمَنْهَجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَقَلَهُ لَنَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كُتُبِهِمْ وَهُوَ مَوْجُودٌ بَيْنَ أَيْدِينَا لِكَيْ تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ يَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَلَى بَيِّنَةٍ وَيَنْجُوَ مَنْ نَجَا عَلَى بَيِّنَةٍ لفت وبارك الله فيك دي صلي Et donc, la da'wa, la voie dans la da'wa de notre messager, alayhi salam, elle est claire, vers le monothéisme. Et les hommes de science ont tout recueilli. Et il y a, dans les livres de nos plus prédécesseurs, il y a la voie de la da'wa de notre messager, alayhi salam, et la chose principale avec laquelle il a commencé, qui est le monothéisme, etc. Et tout ceci pour que la preuve de Allah, subhanahu wa ta'ala, s'accomplit. Pour qu'on périsse celui qui périt avec preuve, et soit sauvé celui qui va être sauvé avec preuve, à l'islam. Fa Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, bada'a yad'u an-nas ala kulli al-mustawayat. ليلا ونهارا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لا يكل ولا يمل عليه الصلاة والسلام le prophète عليه الصلاة والسلام a commencé une fois qu'il a reçu l'ordre à appeler toutes les catégories sociales vers le monothéisme sans se fatiguer, sans se lasser, rien changer. Comme maintenant tu les entends varier un petit peu, on va mettre un peu une petite pièce de théâtre pour enseigner le monothéisme, un petit chant pour enseigner le monothéisme aux enfants. Où vous allez comme ça? Votre prophète il a fait ça? Il n'a pas fait, donc tu ne fais pas, tu t'arrêtes. Comment ça va, Al-Rasoul صلى الله عليه وسلم سوى مسرحية باش يدعو الناس هل سوى الأناشد اللي أمر الصحابة أن يسووا الأناشد لكي يدعو الناس؟ من أين لنا هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على التوحيد، لماذا؟ لأنهم سيتحملون بعده حملا ثقيلا، وستقوم على أعناقهم، على أعناقهم الدولة الإسلامية، دولة التوحيد ودولة السنة. فبدأ يربيهم صغارا وكبارا على عقيدة التوحيد، فبدأهم في مكة بالدعوة إلى التوحيد، وكان يجتمع بأصحابه سرا في البيوت على عقيدة التوحيد. وهنا قضية الدعوة السرية انتهت، ما بقتش، كان في أيامات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في مكة، لكن عندما ظهر الإسلام لا تبقى هناك دعوة سرية. فالذي يريد أن يحيي دعوة السرية هذا عنده خلل، ظهر الإسلام فما فيه دعوة سرية. أنت يجب أن تكون بين ظاهرة بين الناس، ما فيه تخبوا في البيوت وكذا، ولا نمشوا للغيران في الجبال لكي نتعلم الدعوة، ما فيه هذا الأمور كلها. تمشوا للغيران الفيران والحناش واللي خايف، اللي عنده شي حاجة ما يخبي. إذن كنت ميساج عليه الصلاة والسلام أبلي توت لي كاتيغوري سوسيال فيغ لو مونوتيز، إلا إيديكي سي نوبل كومبانيون سور لو مونوتيز كوم إلا إيديكي لي زونفون، باسكو إيز ألي أفواغ سور، إيز أفي أفواغ لا ريسبونسابيليتي دو ليتا إسلاميك دو ليتا دو مونوتيزم إي دو ليتا دو لا سنة. Et donc la première des choses avec laquelle a commencé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, alors qu'ils étaient faibles, l'appel vers le monothéisme, vers le fait que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se réunissaient avec ses nobles compagnons dans des maisons en secret pour leur enseigner, parce qu'ils étaient maltraités par les Quraishites. Ils étaient pourchassés. Maintenant, celui qui veut nous dire qu'on doit faire une da'wa secrète, هذا il faut l'accuser dans la voie qui suit, parce que هذا il va vers une construction d'un égarement. La da'wa secrète, son temps il est terminé. C'était l'époque de la Mecque avant l'apparition de l'islam. Depuis que l'islam est apparu, il n'y a plus de da'wa secrète. Et tout un chacun qui veut instaurer une da'wa secrète, qui veut réunir les gens dans un appartement, ou là qui veut les réunir dans la montagne tout seul, ou là dans une caverne, هذا il est en train de construire de l'égarement. Il faut s'en éloigner. La da'wa maintenant doit être en public, haut et fort, parce que l'islam est apparu. فهل في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لكي تعلم أن التوحيد أهم الأمور التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أخذ يخطط لانقلاب نظام الحكم في مكة ولإزالة المناصب من أيدي الكفار ونقلها إلى أيدي المسلمين، أو دعا إلى المظاهرات أو إلى الاعتصامات؟ ما كان هذا؟ ولن تجده في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام. هذا يدلك على أن ما تراه الآن مظاهرات يقولون ويدعون الإصلاح واعتصامات، كل هذا هراء وكل هذا تشبه بالكفار والملاحدة، لأن هذا منهجهم، منهج المظاهرات ومنهج الاعتصامات، هذا من الكفار ومن الملاحدة، وأمرنا أن لا نتشبه بهم. Est-ce que tu as entendu que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est réuni avec ses compagnons au début à la Mecque, il leur a dit on va faire une stratégie pour renverser le pouvoir à la Mecque et pour prendre le pouvoir des Mécois et de le donner aux musulmans? Abed, lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis ce qui est dans Sahih Bukhari, dans tous les recueils de la Sunna, tu ne trouveras pas. Est-ce qu'il a ordonné de faire des manifestations? Pourtant ils étaient maltraités, pourchassés. Il leur a ordonné de faire des manifestations, des sittings? Abed. Donc tout ce que tu vois maintenant devant toi, l'appel aux manifestations, aux révolutions, aux sittings, c'est une voie de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit le fait de ressembler aux mécréants. Hein? Et tout ce qui est construit basé sur du mauvais sera mauvais. Ma bunia ala fasid fa huwa fasid. Hal sami'tum anna yawma ar-rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam raghaba Umar ibn al-Khattab an yadkhula fi al-islam wa an yakuna lahu wa satakun lahu wazir fi ad-dawla al-islamiyya. سمعت أنت بهذا؟ أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو بكر ادخل في الإسلام وستكون الوزير؟ أين هذا؟ ما فيش. Est-ce que tu as entendu dans la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام que le رسول صلى الله عليه وسلم a dit Abu Bakr wa Omar viens rentre dans l'islam et tu seras le ministre de l'État islamique؟ أبدا نخل الإسلام. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا مناصب ولا مظاهرات ولا أي شيء من هذا القبيل. دعوة إلى التوحيد وإلى إخلاص الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وكل دعوة لا تقوم على هذا ولا كل إصلاح لا يقوم على هذا المبدأ فلن يفلح أبدا. فإن الله عز وجل ها نحن لا نسمع شيء في البيوغرافية للنبي صلى الله عليه وسلم كي يقول هذا. Promesse d'avoir un ministère à Abu Bakr ou quoi que ce soit, ou à Omar ou à un autre. Abadan. Mais cette da'wa était, la da'wa du Prophète était sur le monothéisme. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Il les a appelés vers le fait de réserver, d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute da'wa, toute réforme, et tout réformateur, tout prêcheur qui n'accomplit pas sa da'wa sur ce fondement principal, éloigne-toi de lui. C'est pas la peine. C'est de la perte du temps. Sauve-toi. Tu vas perdre ton bas monde et ton au-delà. Et ton énergie. Et peut-être ce que tu as. Ce que tu as gagné durant ta vie. Fa kullu da'watin. Wa kullu da'in. Wa kullu muslihin. Wa kullu islahin. La yaqumu ala tawhid. Hrab minhu. Farra minhu. Farraraka min al-asad. Innaka satadhi'a. Wa tudhi'a l'amana. Satadhi'a. Wa tadhil. Wa la'allaka tadhi'a maddiyatuk. في سبيل هذا الانحراف. ولا يختلف اثنان أن المناصب هذه الوزارات كلها من مطالب الدنيا الفانية. لكن الذي يتربى على عقيدة التوحيد لا يفكر في هذه الأمور أبدا لأنها من أمور الدنيا وأن الدنيا ستفنى وأن كل شيء سيفنى. لو كان ملكا يدوم لدام ملك سليمان. الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لن يكون لأحد بعده. ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. فكان في خدمته الجن وفي وسخر له الله سبحانه وتعالى الريح. من مسخر له الريح الآن؟ من في خدمته الجن الآن؟ لا أحد أخي الإسلام، لا أحد. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي الله أكبر فقبض قبضة بيده هكذا. فعندما خرج من الصلاة قال الصحابة رضوان الله عليهم فعلت شيئا لم تكن تفعله في الصلاة؟ قال ماذا؟ قال قبضت بيدك هذا. قال شيطان مر بين يدي فقبضته حتى حسست ببرد لسانه على يدي. ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لكي يلعب به أبناء المسلمين. ولكن قال رسول الله استذكرت دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام عندما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي فتركه إلى سبيله. ملكا لا ينبغي لأحد بعده فذهب ملك سليمان لأنه لا يدوم، لا شيء يدوم في هذه الدنيا، لا شيء يدوم. فإن الله عز وجل et deux personnes ne vont pas se disputer, avoir une divergence sur le fait que les postes de ministère et les hauts postes dans la société ce sont des postes éphémères de ce bas monde. Hein? Et celui qui est éduqué sur le monothéisme et sur le fait d'accomplir la religion sincèrement pour Allah, il pense jamais à ces choses-là parce qu'il sait qu'ils sont éphémères. c'est quelque chose doit durer ou un royaume ou une doit durer. Le royaume de Suleyman il n'a pas duré. Pourtant, si un royaume, plus personne, aucun humain n'aura le royaume qu'il avait Suleyman parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les doigts des prophètes. Il a dit, oh Allah, donne-moi un royaume qui ne s'y est plus à quelqu'un après moi. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à son service le vent. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à son service jinn. Toute catégorie de jinn vient travailler pour lui. Les oiseaux soit son service et ainsi de suite. Et un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière, il attrape avec sa main comme ça, il ferme son poing. Et une fois qu'il est sorti de la prière, les compagnons disent, ah Rasulallah, tu as fait un geste. Nous n'avons jamais vu faire ce geste. Il dit quoi? Il dit, t'as fermé, t'as bougé ta main et t'as fermé ton poignet. Il dit, oui, il était un shaitan qui passait devant moi et je l'ai attrapé jusqu'à ce que j'ai senti le froid de sa langue sur ma main. Et si ce n'est la da'wa de Suleyman alayhi salatu salam, je l'aurais attaché au poteau de la mosquée et les enfants de Médine seraient venus jouer avec. Et c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il ne l'a pas fait? Il s'est rappelé le dua de Suleyman alayhi salatu salam. Ô souverain, donne-moi un royaume qui ne sied plus à personne après moi. Et dans ce royaume, les jeunes étaient au service de Suleyman alayhi salatu salam. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons sur le monothéisme. عندما فتن المسلمون من الكفار تركوا الديار ها تركوا ديارهم تركوا أهليهم هاجروا من مكة الهجرة الأولى إلى الحبشة تركوا الأهل تركوا الأوطان حفاظا على ماذا؟ حفاظا على التوحيد حفاظا على عقيدة التوحيد. من الله عز وجل Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les nobles compagnons sur le monothéisme et sur la croyance du monothéisme. Quand ils étaient maltraités, pourchassés, hein, et qu'ils ne pouvaient plus supporter les pauvres, ce que leur faisait subisser hein, les Quraishites, ils sont allés, ils ont sauvé leur religion. Ils ont fait la première immigration vers l'Abyssinie. Hein? Pour sauver leur religion, et pour sauver leur croyance, et pour sauver leur monothéisme. Ils ont tout laissé. La famille, l'argent, tout, les proches et tout. وهناك في الحبشة يسألهم ملك الحبشة عن هذا الدين الذي جاءوا به فيقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ها أيها الملك أيها الملك إنا كنا في أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوتان فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردون إلى عبادة الأوتان من عبادة الله فلما قهرونا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك ما الذي أخرجهم رضوان الله عليهم ها؟ لأنهم لا يريدون أن يعودون إلى عبادة الأوتان وعبادة الأصنام لأن قومهم عذبوهم على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة فكان أن خرجوا لكي ماذا؟ لكي يحفظوا دينهم ويحفظوا عقيدتهم فقارن بعقيدتهم وعقيدتنا الآن قارن بمنهجهم ومنهج الكثير منا الآن تهييج على الحكام تهييج للطورات تهييج على السطو على الحكم مظاهرات، دعوة إلى المظاهرات، دعوة إلى الاعتصامات، دعوة إلى سفك الدماء وهلم رجل. كل هذا تحريف وانحراف عن منهج رسول الله والصحب الكرام رضوان الله عليهم. وأنت صحابة رسول الله بعد أن قهروا، ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوي ثورة في مكة ونخرج على أهل مكة؟ قال لهم اذهبوا إلى هناك، هناك ملك لا يظلم عنه عنده أحد. فهاجروا إلى الحبشة. لا بد أن نأخذ الدرس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيرته تطبيق عملي لما أراده الله سبحانه وتعالى. من الله عز وجل كنت الرسول صلى الله عليه وسلم يجي كلينو بالكمباني رضوان الله عليهم. Quand ils ont commencé à être opprimés, maltraités par Quraysh, ils ont reçu le jour du prophète d'aller chez le roi d'Abyssinie, sur le, chez les Nugus en Abyssinie. Hein? Et Ja'far ibn Abi Talib dit à ce roi, quand le roi lui a posé la question, il lui a dit, ô roi, nous étions. Quand tu lui as demandé, c'est quoi cette religion sur laquelle vous êtes? Ja'far ibn Abi Talib lui dit, nous étions, ô roi, dans une ignorance totale. Nous adorions les statues. Et nous faisions mal et nous étions d'un mauvais comportement avec les voisins. Nous mangions les cadavres. Et le plus fort parmi nous anéantit le faible. Et nous étions dans cette situation-là jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager que nous connaissons. Nous connaissons sa descendance. Nous connaissons sa véracité. Nous savions qu'il était digne de confiance. Sa chasteté. Il nous a appelés vers Allah et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et vers le fait d'adorer Allah uniquement et de délaisser tout ce que adoraient nos parents, ce que nous adorions auparavant et ce qu'adoraient nos parents. Et nous avons adoré Allah et nous lui avons plus fait d'associés. Et à ce moment-là, le peuple nous ont maltraités. Ils voulaient qu'on revienne de cette religion, du fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'associationnisme et vers l'adoration des statues. Et quand leurs actes et leur injustice étaient atteints à la limite, nous nous sommes sauvés. Nous sommes venus vers ton pays. Nous t'avons choisi. Nous ne avons pas choisi quelqu'un d'autre. Nous t'avons choisi. Parce que nous voulions être sous ta protection, être tes voisins, et nous avions l'espoir que nous n'allons pas être, qu'aucune injustice sera commise sur nous quand on sera chez toi. Une fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués sur le monothéisme, et une fois qu'ils ont subi l'injustice, est-ce qu'ils sont sortis, sont révoltés, allumer le feu dans les commerces, dans les biens publics? Ils sont sortis faire des sittings dans les grandes places, les grandes villes. Ils ont pris les armes contre les gouverneurs et contre ceux qui tiennent le pouvoir à la Mecque. Quelqu'un parmi eux s'est brûlé pour demander son droit, comme ceux qui se sont suicidés en se brûlant et que les gens maintenant prennent comme des martyrs. Ils ont sauvé leur religion. Ils sont partis. Ils ont quitté la terre la plus chère et la plus noble sur ce globe terrestre qui est la Mecque pour sauver leur religion après l'islam. Nous devons relire la biographie de notre prophète Al-Sassoum de ne plus aller dans l'âme pour prendre la leçon et voir la voie sur laquelle nous devons être. Parce que la biographie du prophète Al-Sassoum de ses nobles compagnons, c'est la mise en application de ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت ترى الصحابي يقول خرجوا لماذا؟ لكي يحافظوا على التوحيد وعلى عبادة الله. وعبادة الأصنام انتشرت في هذا الزمان وأضلت كثيرا من الناس. فلا تظن الصنم فقط هذا الحجرة أبدا، القبر الذي يعبد من دون الله فهو وثن يعبد من دون الله، الشجرة التي تعبد من دون الله فهي كذلك اتخذت إلها من دون الله سبحانه وتعالى، العين، البير، وانت زيد قيس وإمام الحنفاء وإمام الموحدين يقول عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ها ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله يطلب من الله ويأتي بهذا الدعاء لكي يحفظه الله سبحانه وتعالى من عبادة الأصنام، فما بالي أنا وأنت يا عبد الله. هو اصطفاه الله وهو من أولي العزم من الرسل وخليل الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. ألا أخاف على نفسي وتخاف على نفسك يا عبد الله؟ ها؟ انظر، هذا القرآن أنزل لكي يتدبر ولكي يعمل به ولكي نأخذ منه الدروس والعظات. فمن لم يكن له موعظة في كلام الله فلا وعظه شيء أبدا. ها؟ من الله عز وجل غوغاد من تنصنوا بالكمبانيون كيس dans le témoignage, dans ce qu'il a dit, Ja'far ibn Abi Talib. Nous sommes sauvés pour préserver l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et pour ne pas retourner à l'adoration des statues. Et regarde maintenant, l'intime d'Allah, qui Ibrahim, l'élu, il fait partie des cinq grands prophètes, messagers alayhi wa sallam. Et pourtant, l'imam du monothéisme, du monothéiste, élu par Allah subhanahu wa ta'ala, il a reçu la révélation. Hein? Il dit dans le verset, évite-moi ainsi qu'à ma descendance le fait d'adorer les statues. Il a peur pour lui et pour sa descendance. Il est prophète, il est messager, il est élu. Il a la révélation avec. Il a peur. Qu'est-ce qu'il en est de moi et de toi, Khalisa? Qu'est-ce qu'il en est de moi et de toi? Nous n'avons pas peur. Hein? Andor, regarde, ce Coran il est descendu pour qu'il soit lu, médité, prendre la leçon dans ce Coran, être exhorté par ce Coran, parce que si le Coran ne nous exhorte pas, il n'y a pas d'exhorte. Regarde, Adam, min ulil azm, il demande de ça, et regarde tout ce qui s'adore. Ne crois pas que l'adoration du statut, c'est tout simplement quand une statue qui est dressée devant toi là. L'adoration des temples, c'est de l'associationnisme. L'adoration des sources, l'adoration des arbres. Et vas-y, la liste est longue. Hein? Wandur, ya akhal islam. La buddha. Antakuna da'watuna ila tawhid. وأن نحقق وأن نتعلم التوحيد أولا وندعو إلى التوحيد ونحقق التوحيد في حياتنا و في أهلنا وفي فلا بد لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس كافة، دعا الملوك قيصر وكسرى، كتبهم للرسائل يدعوهم إلى التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم. لو أن عالما من العلماء اليوم يكتب رسالة إلى رئيس من دولة لاتهمناه بالعمالة وبالخيانة وبالمداهنة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى ملك الكفار ويقول له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ولا دابا ناض عالم كبير من العلماء وكتب الملك ولا كتب الرئيس اتهموه الناس، هذا عميل، هذا مداهن، هذا غشاش، هذا عالم ديال السلطة، هذا قزيبات البغل ديال السلطان وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ايديكيسينو بالكومبانيون سور المونوثيزم، إلى أبلي توت لي كاتيغوري أو مونوثيزم، إلى أبلي ميم لي زومبرور إي لي روا دو سيت إيبوك، إلى إكخي أو روا دو روم، أ لومبرور دو روم، إلى إكخي أ سولوي دو بيرس أوسي، أو نوم دالله لو كليمون ميزيروكورديو دو محمد. Serviteur et messager d'Allah à Héracle, le géant de Rome. Imagine maintenant Un homme de science, il écrit à un roi de notre époque. Un homme de science, il écrit à un président. Un homme de science, il écrit à un premier ministre. Qu'est-ce qu'ils vont dire de lui? C'est un agent de l'État. Il les caresse dans le sens du poil. C'est la queue de la mule du gouverneur. Eh vas-y, la liste est longue. Hein? Alors que notre prophète, alayhi salam, regarde comment il agit avec un mécréant. Avec un mécréant. Hein? Fala wuddakha l'islam. Fa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam takun da'watuhu faqat لفئه من الناس وانما كانت للفقراء والاغنياء والامبراطور والملوك لكل احد. عندنا الان جماعات مكلفه بالدراويش وجماعه مكلفه بالمثقفين. اخوان المسلمون دعوتهم الاطباء والاساتذه واللي اخوان الخروج دعوتهم العوام. كيف كل هذا ضلال؟ نعم، الدعوة يجب أن تكون شاملة للأمة كلها، الصغير والكبير والملك والأستاذ و و و و كيف تخرج هذا وتخرج هذا وفقط تهتم بهؤلاء؟ عندك غرض. مادام أنت تهتم بالأساتذة والدكاترة عندك غرض في هذاك الشيء. وقعد لدعوة نطق ميساجي عليه الصلاة والسلام. S'occuper de tout le monde, les petits, les pauvres, les esclaves, les rois, les commerçants, toutes les sources sociales. Regarde maintenant devant, hein, devant toi, la da'wa des frères musulmans, il est adressé qu'aux intellectuels. D'autres, ceux qui se disent sur le sentier, hein, qui font le globe trotteur sur terre, hein, leur da'wa est pour le commun des musulmans. Pourquoi Hadou ils excluent les autres catégories ou Hadou ils excluent les autres catégories? Pourquoi Hadou ils s'occupent que des intellectuels, des médecins? Ils ont un but derrière la tête. Hein? Et ainsi de suite. Alors que la da'wa, et tous les deux sont dans l'égarement, alors que la da'wa du messager, alayhi sallam, il englobe tout le monde dans l'islam. Le petit, le grand, celui qui a la grande place dans la société, celui qui est pauvre, celui qui est riche, et ainsi de suite. Il ne faut pas croire. وانظر عندما يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاة ماذا يقول لهم؟ هذا معاذ بن جبل فيما يروي الإمام البخاري يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعثه كداعي إلى اليمن وقاضي بين أهل اليمن: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، إخلاص عبادة الله التوحيد، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا طاعوك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ معه. قال إن هؤلاء الذين ستذهب إليهم إلى اليمن أهل الكتاب، أول ما تدعوهم له أن يوحدوا الله، أن يخلصوا العبادة لله. عاد أجابوك تعلمهم أن الله فرض عليهم الصلاة مرتبة بمرتبة، عاد بعدها الزكاة، وهكذا بالتدريج. توحيد هو الأول، عاد الصلاة، عاد الأمور الأخرى. من الله عز وجل كنت رسول صلى الله عليه وسلم envoyer les prêcheurs à travers le monde connu de cette époque. Il a envoyé Mouad au Yémen, il lui a dit: oh Mouad, tu vas aller dans un pays, tu vas aller rencontrer des gens du livre. Donc la première des choses vers laquelle tu l'appelles, qu'il réserve le culte exclusivement à Allah. Qu'elle réserve le culte. Il ne lui a pas dit qu'il te laisse le pouvoir. Qu'il réserve le culte exclusivement à Allah. Et une fois qu'ils t'obéissent et qu'ils répondent à cet appel, à ce moment-là, tu leur dis qu'Allah leur fait obligatoire 5 prières par jour et par nuit. Et une fois qu'ils répondent à ça, tu leur dis qu'ils doivent s'acquitter de la zakat, que la zakat doit être prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres, et ainsi de suite. Le monothéisme d'abord. Ah, d'après, on descend petit à petit vers les autres. Mais d'abord, tout basé sur le monothéisme. وأنت تعجب من أناس الآن يكفرون المجتمعات الإسلامية ويطلبوا منهم أن يخرجوا معهم إلى الجهاد. كيف أنت كفرته فهو كافر؟ يكون الجهاد مع الكافر؟ تكفره وتقول خرج إلى الجهاد، ما هذا التناقض هذا؟ ها؟ كيف؟ إذا كان كافر فعلمه التوحيد وادعوه إلى التوحيد، كيف أنت تخرج بكافر إلى الجهاد؟ أين هذا؟ هذولا لا عقول لهم، والله لا مسكة لهم من عقل، وما فهموا دين الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما بعث به الأنبياء أبدا. ها؟ Ton étonnement ne s'arrête pas. Ah, des gens maintenant, ils rendent toute la société musulmane mécréante, ils leur demandent de sortir sur le jihad, sur le sentier de la semaine. Comment tu veux combattre un tas avec des gens? Tu as décrété qu'ils sont mécréants. Le combat, il est légiféré avec une armée de mécréance? Abadan akhad islam. Tu as décrété leur mécréance. Dans ces cas-là, prêche-les. Enseigne-leur le monothéisme. Enseigne-leur le suivi du prophète alayhi salatu salam. Comment tu les appelles à faire le combat? C'est des mécréants pour toi. A'oudou billah. Et ceux-là, ils n'ont ni compris la religion d'Allah, ni ils ont compris la voie du messager alayhi sallam, ni ils ont compris la voie de notre messager alayhi sallam, ni la voie des nobles compagnons d'Allah alayhi. Ils baignent dans une ignorance totale, de la tête aux pieds. Ha'oulaya, hein, yasbahoun fi jahlin kabir min ra'sin ila khamasir jilin. Ma yumkin. رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ورسله أن أول ما يدعون الناس يدعونهم إلى التوحيد ثم إلى باقي أركان الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يلونسين à ses compagnons et aux prêcheurs qu'il envoie que la première des choses vers laquelle doivent appeler vers le monothéisme, عاد après vers les autres piliers de l'islam. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء على التوحيد. بايع النساء على ماذا؟ على التوحيد. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله. إذا بايعنا على أن لا يشركن بالله أي أنهن يخلصن العبادة لله. ها؟ من الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أيدكي لنوبل كومباني رضو الله عليهم. ها؟ إلي بريشور كي لونفوا أبلي لي جون فيغ لو مونوثيسم. Et une fois, عاد après les appels vers les autres œuvres de l'islam et les autres piliers de l'islam. Et Rasoul, ça, il s'est pas suffi avec ça, même avec les femmes. Il a après l'allégeance sur les femmes, sur le fait de ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, ô prophète, quand les croyantes viennent vers toi, pour te faire l'allégeance, prends leur allégeance qu'ils ne doivent pas faire d'associer à Allah. Et donc s'ils ne doivent pas faire d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens contraire, qu'ils doivent réserver le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد أن نحقق التوحيد فهما وعملا، وإذا حققنا التوحيد فهما وعملا سهل كل شيء. يأتي الأمر من الله فتقول سمعنا وأطعنا قولة المؤمنين. Il est obligatoire pour nous de comprendre le monothéisme et de le mettre en application, parce que si on le comprend, on le met en application, quand les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala il arrive, tu dis nous avons entendu, nous obéissons et nous obéissons. C'est la parole des croyants à l'islam. Hein? Hatta l'atfal al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yuba yu'allimuhum al-tawhid. L'an, nous, les jama'at amamna, yurabbouna al-atfal ala kurat al-qadam, ala al-riyada, ala al-ghina, ala al-timtiliyat, ala al-anashid, wa yubarriruna kulla hada di riyada islamiyya. أغاني إسلامية، دف إسلامي، لا تغير للاستقتلاء إسلامي بتولي هي أكوك، لا تغير الأسماء، ها لا يغير شيئا من المعاني، لا الخمر إذا سميتها الشراب الروحي بتولي إحلال، لا حرام، تتخمر الرأس فبتبقى حرام حرام، فهؤلاء يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولاد المسلمين وفي شباب المسلمين. وأن يعلموهم التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس غلام صغير رديفه فوق ها يرديفه الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه فيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلمه التوحيد احفظ الله احفظ دين الله سيحفظك الله ها؟ احفظ دين الله، خلص العبادة لله وقم بها على الوجه المطلوب، يحفظك الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله. ماذا يعلمه؟ يعلمه التوحيد وهو غلام صغير. نحن نعلمه الأغاني والأناشد والطبال والمسرحيات وانتسخ. ها ايه maintenant regarde الرسول صلى الله عليه وسلم pris l'allégeance sur le monothéisme pour les femmes. Regarde maintenant devant nous, dans notre réalité maintenant, les groupes maintenant ils éduquent leurs enfants sur quoi? Ils éduquent les enfants de le foot, ah, les sports, les chansons, un achid soi-disant, ah. Et ils te trouvent des excuses à ça. Ils disent ça c'est un sport islamique, c'est des chansons islamiques, un achid islamique, hein. C'est un douf islamique. Je crois qu'en changeant les noms, que cela va changer la réelle définition des choses. Maintenant, si l'alcool, tu l'appelles boisson spirituelle, ça va changer du hukm? Ça ne va pas changer. Il restera toujours l'alcool parce qu'il fait perdre la raison. Donc, il est haram, il est haram. Il ne sera jamais halal. Dis-lui la boisson spirituelle ou dis-lui la boisson satanique. Il sera toujours haram. Il sera toujours haram. Et notre prophète alayhi salam, il dit que les enfants ils les éduquent sur le monothéisme. Ibn Abbas, derrière sa monture, derrière le prophète alayhi salam, derrière le prophète alayhi salam, il dit: oh garçon, je vais t'apprendre des mots. Préserve Allah, Allah il te préservera. Comment on préserve Allah? Préserve la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il te préservera. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu cherches aide, cherche-la auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il éduque sur quoi? Sur le monothéisme, sur l'anachid, sur les pièces de théâtre. Abadan khal islam. Regarde maintenant dans ce monde occidental, les voix, il y a des pères qui ratent la prière d'Allah Asr pour amener le gamin à faire le foot. Hein? Il va l'amener à faire le foot, mais il viendra pas avec son gamin faire la prière. نجم الأحيان الناس هنا في هذه البلدان بهو عنده الهم باش يدي الولد يلعب الماتش ديال الكره وما عندوش الهم يجيبو معاه للصاله. انا ما شفت الدراري عندكم هنا في المسجد ديال 10 سنين، ما شفت انا باقي ما شفت شي واحد. ها جوسكا مانتنون صافي اون سيمين كو جو لا جي با في لي غامان دو 10 ans dans la mosquée. Mais par contre les parents ils ont le souci de les amener, de ne pas qu'ils ratent le match de football. Subhanallah. Tout ça pourquoi? Parce que ce travail qui a été fait sur les gens. Ce travail qui a été fait sur les gens. Tout ça à cause de ces dawa, de ces groupes et de ces égarés. Ah les aides. Quand il sera grand, teikbel. Je connais quand il grandira. Il ne va pas te poser des questions sur cette responsabilité. Ton enfant, tu en es responsable. Hein? Fala Buddha Khal Islam. Fa. La Buddha min al-Tawhid. La Buddha min hada al-Asla Khal Islam. Fala yisluhu akhiru hadi l'umma illa bima saluha bihi awwaluha. لا بد أن نحقق التوحيد والمتابعة لرسول الله، ولا بد أن نربي أبناءنا وأزواجنا وبناتنا على هذا. Il est obligatoire pour nous, frères en Allah Azza wa Jal, d'accomplir le monothéisme. Il est obligatoire pour nous, pour sortir de l'impasse, pour avoir le triomphe, l'agrément d'Allah et la bénédiction dans notre vie, de s'éduquer sur le monothéisme, d'accomplir le monothéisme et d'éduquer nos enfants, nos femmes, nos filles sur ce monothéisme. Si nous voulons la réussite dans ce bas monde et dans le-delà. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فقهنا وإياكم في ديننا وارزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.